Bonsoir à vous tous, fidèles auditeurs de la Radio Sanganilo. Bienvenue dans cette édition, la dernière de ce dimanche. Donc voici d'abord la charpente. Plus de 60 permanences du Parti CNL ont été détruites l'année 2020 lors de la célébration de la deuxième anniversaire du Parti CNL à Gato-Guassa. Demande aux autorités locales la facilitation des travaux qui se font dans les permanences de son parti. Grogne des éleveurs de la province Ngodi qui veulent l'insémination de leurs vaches, disant que le Bureau provincial de l'environnement est en manque. La chronique initiation de ce dimanche va nous parler du piment de Cayenne. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, fait savoir que le piment a un effet protecteur contre certaines maladies chroniques. Il va être libéré à la présentation. Mais Toussaint Mitevouti assure la mise en onde. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Débutons notre édition de la page politique. Plus de 60 permanences du Parti CNL ont été détruites l'année 2020. Le patron du Parti Conseil national pour la liberté l'a dit ce dimanche lors de la célébration de la deuxième anniversaire de ce parti. Honorable Agathon Gwassa demande aux autorités locales de faciliter les travaux qui se font dans les permanences du Parti CNL du fait qu'ils sont faits dans le respect de la loi régissant les partis politiques. Suivez Terence Manilambona, porte-parole du Parti CNL. On a mis en place aussi une commission qui était chargée de la mobilisation de fonds qui était allouée à la campagne électorale. Elle nous a aussi parlé aussi des défis et surtout à l'intolérance politique où nos militants ont été emprisonnés, mais aussi des permanences qui ont été vandalisées. Mais aussi, il nous a montré comment le parti CNL et ses militants ont enduré toutes ces difficultés, ont battu campagne et ont pu à même décrocher ou avoir des députés. Nous avons 30 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons un sénateur. Nous avons plus de 800 conseillers communaux éparpillés dans toutes les provinces. Mais aussi, il nous a montré que le parti CNL est toujours à pied d'œuvre pour asseoir la liberté tant souhaitée par les Burundais. Et cette liberté, bien sûr, commence par cette tolérance politique. C'est pourquoi, dans ces cérémonies, nous avons invité tout le monde, les représentants des partis politiques. Nous avons eu l'honneur d'accueillir aussi l'envoyé du ministre de l'Intérieur et d'autres invités de marque, les ambassadeurs, dont nous vous remercions vivement. En résumé, en quelques mots, ce sont les grands axes qui ont caractérisé le discours du secrétaire général du Parti CNL. Page élevage de cette édition, les éleveurs de la commune Gihanga de la province Bubanza comprennent déjà le programme de stabilisation des permanentes et pas mal d'éleveurs ont déjà mis en application son projet, comme l'affirment les autorités administratives. Le représentant de l'association des éleveurs déplore cependant le manque d'espace pour la construction des étables chez certains éleveurs qui demandent à l'État de les aider. Spécie Caritas Kawanyana. Le conseiller de l'administrateur de la commune Gihanga affirme que beaucoup d'éleveurs ont déjà commencé à mettre en application la stabilisation permanente. Il défend Sébastien Troivo, dit également qu'il n'y a même plus de pâturage et que la stabilisation permanente permet d'éviter les conflits entre cultivateurs et éleveurs. Au niveau de la commune de Gihanga, je dois dire que la population, surtout éleveurs, comprend bien cette mesure. Surtout que actuellement, le bétail qui devait errer ici et là pour chercher ou brouter, il y a un problème pour eux parce que la grande partie de la commune est cultivée, elle est sous les cultures. Et alors, actuellement, les éleveurs disent que si cette mesure, il y a des appuis, c'est bien d'élever, de faire la stabilisation, puisque d'abord, l'espace où le bétail a brouté avant, il n'y a plus de pâturage à animaux. Oui, la stabilisation permanente a beaucoup d'avantages. Le représentant de l'association des éleveurs dans cette commune dit qu'il y a encore un problème puisque beaucoup d'éleveurs n'ont pas d'espace pour construire des étables. Jean-Baptiste Hatungimana demande à l'État de remettre aux éleveurs le domaine d'élevage situé dans la Rukoko comme c'était auparavant. Avec la loi de la stabilisation en commune Gihanga, il y a un problème très majeur dans cette commune parce que les éleveurs n'ont pas de parcelles où ils peuvent élever les vaches. C'est pourquoi alors, donc, les vaches sont en débandade toujours. Nous attendons toujours le Parlement qui décide, et avec le gouvernement, il faut que d'abord le gouvernement ait l'amabilité de retourner chez les éleveurs, donc la plaine de Rukoko, comme dans le passé. Le domaine de l'élevage. Cela étant, l'administration, de même que les éleveurs, converge sur les bienfaits de la stabilisation permanente qui augmente la production de lait, de viande, de fumure et autres spécialités kawanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Space Caritas Kavanya, toujours dans la page élevage, grogne des éleveurs de la province Gozi qui veulent l'insémination de leurs vaches et disent que le bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage manque de semences bovines, chose rejetée par Priva Barikugayo, responsable de la santé animale en Gozi. Selon lui, c'est les hormones provoquant la chaleur manque, ce qui n'empêche pas l'insémination des femelles déjà en chaleur, Apollinaire Muzagara. Ces éleveurs indiquent qu'ils préfèrent l'insémination de leurs vaches car selon eux, cette méthode donne naissance à un veau de meilleure race par rapport à celui donné par les taureaux présents dans cette localité. Ces éleveurs se lamentent ces jours-ci comme quoi ils ne trouvent pas de semences bovines au bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage, ce qui est rejeté par Priva Barikugayo, responsable de la santé animale Angos. Les semences sont disponibles à ce bureau. Il ne manque que des hormones pour provoquer la chaleur, donc les vaches déjà en chaleur pourraient être inséminées, explique ce responsable sanitaire. La province Ngozi compte plus de 62 000 têtes de gros bétail, dont 46 936 femelles et 14 293 mâles, d'après le rapport de fin décembre 2020. 43 674 sont de race encolée, 11 037 frisones, 574 saïwar ainsi que 5 944 croises d'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Vous n'avez pas Isangani là? Vous ratez l'essentiel. 18h passées de 9 minutes dans les studios de Radio Sanganilo. Poursuivons notre édition dans le page environnement. Les personnes de les propriétés et les habitations se sont retrouvées dans le périmètre du paysage protégé Mukunguru Kambasi, récemment tracé, sont dans la désolation totale, disant n'avoir pas où aller. C'est après la matérialisation de la limite par traçage par feu au niveau de cette aire protégée pour qu'il y ait une démarcation de la limite entre cette dernière et les propriétés privées. Une activité exécutée par l'Office burundais pour la protection de l'environnement, antenne de Makamba, le chef de cette antenne, fait savoir que c'est l'État qui réagira pour ces occupations illégales qui menaçaient ce paysage afin de les protéger davantage, Jérôme Hakidimana. C'est au cours de la descente sur ce paysage protégé Mukunguru Kambasi, conjointement effectué en 2020 par l'administration provinciale Makamba et Bururi et l'Office burundais pour la protection de l'environnement antenne Makamba, qu'on a intimé l'ordre à cette dernière de tout faire pour qu'il y ait une démarcation de la limite entre cette aire protégée et les propriétés privées afin de bien protéger cette réserve naturelle qui était menacée par les occupations illégales. Joseph Niongabo. Cette activité a eu lieu. Le BPI n'a pas tardé de mettre les choses en ordre. Les personnes dont les propriétés et les habitations se sont retrouvées dans le périmètre de cette terre protégée récemment tracée sont toutefois dans la désolation totale. Certains disent n'avoir plus nulle part où aller. D'autres avancent qu'elles sont natives de la même. Sirso, ce responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Makamba, signifie que cette activité de matérialisation de la limite par le traçage par feu a été exécutée en collaboration avec l'administration à la base et les habitants de cette localité, d'où sa limite a été consensuelle par ses parties prenantes. Cette activité a été faite en collaboration avec les habitants de la localité et l'administration au niveau de la commune de Nyanzaraki. Joseph Niongabo fait savoir que c'est à l'État de réagir pour ces occupations illégales. Il y a des églises, il y a des maisons d'habitation, il y a des exploitations. Notre travail, c'était d'avoir cette limite. Donc, nous allons transmettre le rapport à notre institution et le gouvernement va réagir pour ces gens-là qui se sont installés ou bien qui ont des propriétés là-dedans. Donc, ça sera la décision du gouvernement pour que notre paysage protégé soit vraiment une aire protégée à proprement parler. Il ajoute également que si ce paysage est bien protégé, on tirera profit cette population riveraine et l'État. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakidimana. Dans l'actualité sportive, clôture de la 21e journée des championnats nationaux Primus League A ce dimanche. Moussangati remporte le derby de la région centre en battant son rival le Flambeau du centre en but à 0. Lukinzo a égalisé avec Kayanza United, 0 but partout. Malgré la défaite contre Moussangati, le Flambeau du centre reste leader dans 10 classements avec 38 points en équation avec le messager Dongozi qui a remporté 3 points ce samedi en battant la Muzinga 2 buts à 0. Au football féminin, Fofila est allé battre Arena Star 2 buts à 1 et la PVP Buyendi leader du classement a classifié l'Inyangue 5 buts à 0. Le championnat du basketball à Bujumbura s'est également joué pour les résultats du Gymkhana a perdu devant la Muzinga 77-61. En faveur de Muzinga, de même l'Aigle Noir s'est incliné face au Kern 101-58. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le piment de Cayenne soulage les douleurs musculaires de la colonne à la colonne vertébrale. Le chercheur nutritionniste fait savoir que ce piment joue en effet protecteur contre certaines maladies chroniques comme le cancer. Jean-Paul Ouineza signale que le piment de Cayenne est riche en vitamines A, E et B9 qui interviennent pour la bonne circulation sanguine. Omer Ndouaïo. Caractérisé par la puissance de sa saveur piquante, le piment de Cayenne contient des caroténoïdes qui interviennent à la santé des veines et artères. Ce chercheur explique que ces composés protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Le piment de Cayenne contient assez de vitamines A, vitamines C et de vitamines E, qu'on appelle encore alpha tocophéral. La vitamine E, c'est une bonne vitamine pour les hommes. Vous allez entendre parler que les hommes, quand ils utilisent du piment, ils sentent mieux lors des rapports sexuels. C'est à cause de cette vitamine qu'on appelle alpha tocophéral. Le piment aussi contient d'autres substances qu'on appelle flavonoïdes et la caroténoïde. La caroténoïde et la flavonoïde sont des substances qui interviennent mieux à la santé des artères, à la santé des veines, pour la bonne circulation sanguine. Selon toujours Jean-Paul Ouineza, ce piment peut être utilisé en le mangeant, s'agissant des douleurs lombaires et dans le contrôle du poids. Le piment de Cayenne peut s'utiliser en cas d'arthrite rhumatoïde. Ça peut aussi s'utiliser en cas d'arthrose et de neuropathie. Et aussi, le piment de Cayenne peut s'utiliser en cas de douleurs lombaires, en cas de névralgie et aussi en cas de démangeaisons cutanées. À l'usage interne, le piment peut être utilisé pour la bonne circulation sanguine, puisque ça permet la bonne dilatation des veines, la bonne dilatation des artères. Le piment peut s'utiliser pour contrôler du poids. Le piment peut aussi s'utiliser pour la bonne digestion. Toutefois, la consommation trop élevée de piment fort, signale le chercheur, aurait des conséquences sur l'organisme jusqu'à devenir un facteur de risque dans le développement du cancer de l'estomac. Beaucoup de piments peuvent occasionner beaucoup de problèmes à l'organisme, surtout pour des personnes initié. Et il faut quand même bannir de ne pas utiliser trop de piment puisque ça peut endommager le tube digestif, surtout la muqueuse de votre tube. Une autre contre-indication pour l'utilisation en excès de piment, les personnes allergiques au piment doivent quand même s'éloigner du piment. Aussi, des personnes qui ont une ulcère gastrique, cette personne aussi ne doit pas utiliser du piment. Aussi, les personnes souffrant du syndrome de l'intestin, ça peut continuer à aggraver la situation. Le piment de Cayenne, fruit d'une plante originaire d'Amérique du Sud et centrale, tient son nom de la capitale de la Guyane française où il a été découvert par les premiers explorateurs espagnols. Merci Omer Ndouaïo et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Nous vous remercions pour tous qui étaient à l'écoute. Merci à Aimé Toussamite aussi pour sa parfaite collaboration technique. À tous qui m'avaient prêté oreille attentive, je vous souhaite de passer une excellente soirée.